بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في ترجمة كتاب الملخص الفقهي، وقد توقفنا عند باب في سواك وخصال الفطرة في النقطة الخامسة. Donc on est toujours dans la traduction du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi, donc le procès de jurisprudence de Cheikh Ouzel, Kibbalallah. On était dans le chapitre du siwak et des caractéristiques de la fitra, de la saine prédisposition. On est arrivé au point 5. Fayaqulu, Cheikh Ouzel, Kibbalallah, wa min khisal al-fitra, nadkul ibti, ay izalatu al-sha'ar al-nabit fil ibti, fayasunu izalatu hada al-sha'ar bil-nadf, ou al-halq, ou ghayr dhalika. Donc fait partie des caractéristiques donc de la fitra, le fait de raser, de se raser les aisselles, les poils qui se trouvent posés dans les aisselles, mais les faire disparaître. Donc il est sunna de raser ses poils avec un rasoir ou autre. لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع رائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. Donc éliminer ces poils donc qui poussent dans cette partie du corps, car il y a dans cette élimination un signe de propreté. Et ça fait disparaître aussi l'odeur, la mauvaise odeur, hein, qui augmente, qui est plus importante, hein, en raison de la présence de ces poils. Ayyuha al-Muslim, hakadha ja'a dinuna bi tashri'i hadhihi al-khisal lima fiha min at-tajammul wa at-tanadduf wa at-tatahhur. Donc, ô musulmans, voilà comment est venue notre religion, donc imposer ces caractéristiques-là de la fitra. Pourquoi? Parce qu'il y réside donc un embellissement, une propreté et une purification. Liyakuna al-muslimu ala ahsani hal wa ajmali madhhar. Liyakuna al-muslimu ala ahsani hal wa ajmali madhhar. Pourquoi? Pour que le musulman soit sur la meilleure des apparences. Et le meilleur des apparences, il avait le meilleur des états. مُخَالِفًا بِذَلِكَ هَدِيَ الْمُشْرِكِينَ. Et ce faisant, il se met en divergence, donc il se met en divergence par l'encontre de la voie des polythéistes. Il se différencie de la voie des polythéistes. وَلِمَا فِي بَعْضِهَا مِنْ تَمِيزٍ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. Il réside aussi dans ces caractéristiques de la fitra, donc ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes. Entre les hommes et les femmes. لِيَبْقَى لِكُلِّ مِنْهُمَا شَخْصِيَتُهُ الْمُنَ شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة. Donc pour que chacun de ces personnes, que ce soit l'homme ou la femme, garde sa personnalité adaptée donc à ce qu'elle est, à sa fonction dans la vie. لكن أبا كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم فأبوا إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. Malheureusement, beaucoup de personnes ont été dupées, trompées, et ils ont été injustes envers eux-mêmes, et ils n'ont pas fait autre chose que diverger de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الاسلاميه. Ces personnes ont importé des coutumes, des habitudes qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas en conformité avec notre religion et avec notre personnalité islamique. واتخذوا من سفالة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم. Ils ont pris comme exemple ces gens-là et les caractères, la bassesse des caractères de l'Occident et de l'Orient. Ils ont pris ces gens-là comme exemple pour leur personnalité. فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. Donc ils ont délaissé ce qu'il y a de mieux pour ce qu'il y a de plus vil, plus bas. بل استبدلوا الخبيث بالطيب. Donc d'accord, ils ont délaissé ce qui est très bon par ce qui est très très mauvais. والكمال بالنقص. Ils ont laissé la perfection par les choses qui ont des manquements qui sont imparfaits. فخاف جنوا على انفسهم وعلى مجتمعهم. Donc ils ont été injustes, très injustes envers eux-mêmes et envers leur société. وجاءوا بسنة سيئة. Et ils ont ramené une mauvaise, très mauvaise, en délaissant cette salle-là, ces caractéristiques-là. Ils ont ramené les très mauvaises habitudes. Donc ils ont pris le péché d'avoir délaissé ces caractéristiques-là, et en plus, ils ont pris le péché de ceux qui les suivent. Qui ont délaissé le fait de suivre ces, ces caractéristiques-là aussi, hein, en ayant pris comme exemple donc, ces gens de l'Occident et de l'Orient. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. Donc je présente terminé ce chapitre donc de la vocation pour nous, c'est-à-dire dit qu'Allah donne la réussite à la réussite aux musulmans pour qu'ils améliorent leurs actions et leurs paroles et qu'ils leur octroient la pureté dans l'intention et pour lui et le fait de s'approcher à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم يقول شيخ فوزان باب في أحكام الوضوء. باب في أحكام الوضوء. Donc un chapitre sur les règles des ablutions. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc Allah dit dans le sens du verset: pour vous qui avez cru, si vous vous apprêtez à faire la prière, donc lavez, essuyez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, et frottez vos têtes, et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Al-Aya, فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة. Donc c'est ce verset qui a rendu les ablutions obligatoires pour la prière. C'est ce verset qui a rendu les ablutions obligatoires pour la prière. وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء. Elle a montré les membres qui étaient obligatoires donc de laver ou de frotter pendant les ablutions. وحددت مواقع الوضوء منها ومواقع الوضوء منها. Et elle a aussi délimité donc cette verset-là, il a délimité les endroits hein, dans lesquels les endroits auxquels l'eau doit passer, dans lesquels on doit faire les ablutions. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a montré à travers les hadiths et sa sunna comment faire les ablutions de façon suffisante de façon parfaite et suffisante. اعلم أيها المسلم أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا. Donc sache ô celui qui soumet Allah au muslim que les ablutions ont des conditions, des piliers et des choses non obligatoires. En ce qui concerne les conditions et les piliers ou les obligations, c'est obligatoire. Ils sont obligatoires. Alors, en fonction de la possibilité. وفيها زيادة أجر وتركها لا يمنع صحة الوضوء. Donc là, par rapport aux semaines, donc on avait dit que les conditions et les obligations, c'était, on ne peut pas s'en passer, c'est obligatoire. Par contre, les sunnas de la ablutions, ça parfait ces ablutions, ça les termine, ça les complète. Hein? Et si on les fait, on aura un supplément de récompense. Mais si on ne les fait pas, ça ne veut pas dire que les ablutions ne sont pas valables. Elles sont valables. Le fait d'avoir délaissé les sunnahs, les ablutions, feront que les ablutions sont toujours valables, mais vous serez moins récompensés. Ce qui est obligatoire, ce sont les conditions et les obligations de l'ordre, les ablutions. Fashuru amène les conditions des ablutions. Al-Islamu wal-Aqlu wa-Tamyizu wa-Niyyatu. Voilà, il y en a quatre pour commencer. Donc il dit c'est l'islam, il faut que la personne fasse ablution, une condition pour qu'elle soit musulmane, qu'elle soit musulmane. Hein? La religion, donc l'islam. Voilà, il faut que cette personne ait une dotée de et sa raison. Il faut que cette personne ait sa raison. Votre tamyiz, le discernement, le fait de différencier entre le bien et le mal, par exemple, ou le mal, ou la puberté en général, à partir de la puberté, il est au-dessus. Wal niyya, donc l'intention. Et l'intention, donc il y a les quatre conditions, il y en aura d'autres, mais il faut commencer par ces quatre-là. Donc l'islam, donc la religion, l'islam, l'aqlu, la raison, le tamizu, le discernement, ou le niyya qui est l'intention. Fala yassir al-wudu min kafir. Donc si on a ces conditions-là, on a déduit que un musulman qui fait les ablutions, ce sera inutile pour lui. Parce que une des conditions, justement, c'est d'être musulman. Voilà min majnun, une personne qui est possédée. Qui n'a pas sa raison. Donc ça, son ordre, il sera pas valable. Voilà min sarir la yumayizu, ou d'un enfant en bas âge, hein, qui ne sait pas discerner le bien du mal notamment. ولا ممن لم ينوي الوضوء بأن النوى تبردا أو غسل أو غسل أعضائه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا. Ou celui qui n'avait pas l'intention de faire l'eau, qui a fait l'eau mais sans attention, comme celui par exemple qui se lave pour se rafraîchir par exemple, ou qui voulait enlever une impureté qui est sur sa peau, sur son corps, ou une saleté. Donc cette personne n'avait pas lavé avec l'intention de faire les ablutions, juste pour enlever ça ou pour se rafraîchir. Donc l'importance d'avoir l'intention pour faire ces ablutions. ويشترط عما تقدسون سين شيخ فوزان في الأرض ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا كما سبق. Une des conditions aussi supplémentaires pour que les ablutions soient valables, il faut que l'eau utilisée pour les ablutions soit pure. Elle soit pure et purifiante. Comme on a vu dans les chapitres précédents. فإن كان نجسا لم يجزئه. D'accord ? Donc si l'eau est impure, une chose impure en quelque temps, ça l'a transformé en impureté. Là, dans ce cas-là, même si vous l'avez avec cette eau-là, qui est devenue impure, vos ablutions ne seront plus valables. Il faut aussi que cette eau soit permise. Et c'est une eau qui n'a pas été volée, par exemple. Une eau qui est halal. En sens où s'il a eu cette eau de façon qui n'est pas légiférée, même si vous faites très bien vos ablutions ne sont pas valables. Pourquoi ? Parce que l'eau que vous avez utilisée n'est pas permise, parce qu'elle a été volée ou elle n'est pas autorisée. وكذلك يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجماع على ما سبق تفسيره. Et également une des conditions supplémentaires pour les ablutions. Il faut qu'elle soit précédée donc, par le fait de se laver avec de l'eau ou des pierres, les orifices naturels, et on a vu les explications détaillées par rapport à ça dans le cours précédent. Ce n'est pas obligatoire, on va dire, ce n'est pas partie des ablutions, mais si vous devez le faire, il faut que ce soit fait avant les ablutions. Voyez, charade le monde aïlan, izalat ma yam'a wusul al-ma ila al-jild. Condition supplémentaire également pour les ablutions. Le fait de faire disparaître, de détruire tout ce qui pourrait être un obstacle entre l'eau et la peau. Tout ce qui pourrait être un obstacle entre l'eau et la peau. فلا بد للمتوضى أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متلاق أو أسبار سميكة ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. Donc, Cheikh dit, il faut pas qu'il y ait d'obstacle entre l'eau et la peau. Entre l'eau et la peau sur laquelle vous allez faire vos ablutions. Par exemple, il pourrait y avoir de la terre ou de l'argile ou de la pâte quelconque, etc. Ou une saleté imposante, une saleté qui s'est accumulée. Ou de la, par exemple, du vernis, ce genre de choses-là, qui empêche l'eau de parvenir à l'endroit que vous voulez laver. Pour vos ablutions, pour que l'eau justement puisse aller sur tous les membres des ablutions directement sans obstacle. Ça, c'est une condition supplémentaire. Amma, passe aux obligations piliers des ablutions. Amma furud al-wudu wa hiya a'dha'uhu fa hiya sittah. Donc, quant aux piliers, on va dire piliers, donc quant aux piliers des ablutions, ce sont ses membres. Et ils sont nombre de 6. أحدها غسل الوجه بكامله. غسل الوجه بكامله. ومنه المضمضة والاستنشاق. Donc, le fait de laver le visage entièrement. Le fait de laver le visage entièrement. Et dans le fait de laver le visage, il y a le fait de laver la bouche, donc le fait de faire passer de l'eau de droite à gauche, et le fait de aspirer l'eau par le nez et le rejeter. فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه. Donc une personne qui se lave le visage mais qui ne lave ni sa bouche ni son nez ou l'un des deux, son odeur ne sera pas valable. Donc il est impératif quand vous lavez le visage, de faire la marmada et l'istinchar, donc le fait de laver la bouche et le fait de laver le nez. يقول والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم فأمر بغسل الوجه كله فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. الله dit dans le sens du verset, donc et lavez votre visage. Donc le Allah عز وجل nous a ordonné de laver notre visage de façon complète. Donc celui qui délaisse une partie de ce visage, que ce soit le nez ou la bouche, parce que le nez et la bouche font partie du visage, sont, il n'aura pas appliqué la parole d'Allah, l'ordre d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses ablutions qui ont été rapportées, il a fait ça, il a laissé laver la bouche, et il est aussi, il a aspiré l'eau hein, par le nez, et là, il a rejeté. Al-Thani, donc après Rasul Wajd, Al-Thani, Rasul Yadayni Ma'ad Mithaqayn. Donc le fait de laver les mains avec, on va dire, le bras, les mains et les bras, c'est jusqu'au coude, avec le coude. لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Conformément à la parole d'Allah dans le sens du verset, donc et vos mains jusqu'au coude. أَيْ مَعَ الْمَرَافِقِ. Donc avec le coude compris. On ne s'arrête pas avant. Le coude compris. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقِهِ. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, pourquoi il a fait c'est laver hein, les coudes pendant ses ablutions. Il a fait tourner l'eau autour de son coude pendant les ablutions. وفي حديث آخر dans un autre hadith غسل يديه حتى أسرع في العضد. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم s'est lavé les mains jusqu'au coude, jusqu'à aller au-dessus du coude, la partie basse de la partie supérieure du bras, qui est au-dessus, entre le coude et l'épaule là. Hein, c'est l'arbre, c'est cette partie-là, donc entre l'épaule et le coude, la partie supérieure. Donc il a dépassé le coude pour aller jusqu'au bord de la partie supérieure qui est entre de la partie supérieure, de la partie inférieure qui est de la partie supérieure qui est entre du bras. D'accord ? J'espère que j'ai été clair. Donc juste après l'autre, juste après le coude quoi. غسل يديه حتى أشرف العضد مما يدل على دخول المرفقين في المقصود. Donc si ça montre bien une chose, ça montre bien que le coude fait partie des choses qui doivent être lavées. Le coude fait partie des choses qui doivent être lavées. والثالث مسح الرأس كله. Le fait de laver la tête entièrement. ومنه الأذنان. Il fait partie de la tête les deux oreilles. Les deux oreilles. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. Et frottez vos têtes. وقال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit donc les deux oreilles font partie de la tête. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما فلا يجزي مسح بعض الرأس. Donc il n'est pas autorisé de laver une partie de la tête seulement. Il n'est pas autorisé de laver une partie de frotter une partie de la tête et de laver une partie de la tête seulement. Dans le sens où si vous faites la tête et vous délaissez les oreilles, ce ne sera pas valable. Au contraire, si vous faites les oreilles et vous oubliez la tête, ce ne sera pas valable. La tête, c'est les cheveux, donc la tête, que c'est ce qu'on a l'habitude de faire, et les oreilles, obligatoirement. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين. Donc le quatrième point, la quatrième obligation, pilier, le fait de laver les deux pieds avec les chevilles. Le fait de laver les deux pieds avec les chevilles. لقوله تعالى, conformément à la parole d'Allah dans le sens du verset, وأرجلكم إلى الكعبين. Et vos pieds jusqu'aux chevilles. وإلى بمعنى مع. Attention, il a bimana ma'a. Donc le sens de il a ici, il a plusieurs sens. Là, ici, le sens de il a dans ce verset, c'est avec. Donc, avec les chevilles. Donc, les pieds avec les chevilles. Donc, ne pas s'arrêter avant les chevilles. وَذَلِكَ لِلْحَدِيثَ الْوَالِدَ فِي سِفَةِ الْوُضُوءِ. Et pourquoi ? Et qu'est-ce qui nous fait dire ça ? C'est les hadiths qui viennent expliquer donc, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les ablutions. Et il a été rapporté dans ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand il lavait ses pieds, il lavait bien les chevilles avec ses pieds, mais c'est pas ses chevilles. فَإِنَّ هَذَا دَلُّ عَلَى دُخُولِ الْكَعْبَيْنِ فِي الْمَقْصُودِ. Donc ça montre bien que le fait de laver les chevilles, ça fait partie des ablutions. Qu'il faut partie des membres, qui doivent être lavés. وَالْخَامِسُ التَّرْتِيبُ بِأَنْ يَغْسِلَ الْوَجْهَ أَوَّلًا ثُمَّ الْيَدَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحُ الرَّأْسَ ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc il t'arrive là la chronologie. La chronologie. Donc il doit laver le visage dans un premier temps, après les mains, après la tête, après les pieds, conformément à la parole d'Allah dans le sens du verset. Pour vous qui avez cru, si vous vous préparez à, prier, donc lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes et lavez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam rattaba al-wudu'a 'ala hadhihi al-kayfiyya wa qala hadha wudu'un la yaqbalu Allah salata illa bihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait aussi dans cette chronologie là, dans cet ordre là. Donc et c'est dans sa façon de faire. Et il a dit cette ablution là, donc la façon dont j'ai fait, Allah n'acceptera pas une prière si elle n'est pas faite de cette façon. Ces ablutions ne sont pas faites de cette façon-là. Donc Allah n'acceptera pas une prière d'une personne qui n'aura pas fait ses ablutions de cette façon-là, de toutes les, avec ses obligations et ses conditions. D'accord ? Et ses sunnahs de préférence, et en ayant respecté l'ordre. Al-Sadisu, le sixième pilier, Al-Muwala, hiya an yakuna rasul a'da' al-mazkura mutawaliyan bihaythu لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله. Et là, la continuité dans l'acte. La continuité dans l'acte, dans le sens où le fait de quand vous nettoyez un membre parmi les membres de l'ablution, il faut qu'il suive immédiatement le membre que vous venez de délaisser. Il ne faut pas qu'il y ait un laps de temps entre ces temps-là. C'est pas vous qui faites les mains, vous avez 5 minutes, vous allez faire un tour, vous revenez, vous lavez le visage, après vous allez faire, etc. D'accord ? Il faut que ce soit une continuité dans les actes, une continuité dans les ablutions. بل يتبع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. Donc il faut faire suivre un membre, chaque membre de la pilote, selon les possibilités. D'accord ? Selon la possibilité. هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه. Donc on vient de voir les 6 piliers qu'on a vu, les 6 piliers. Les ablutions, les obligations de les ablutions, comme ils ont été rapportés dans le. Comme Allah nous l'a rapporté à Zawajel dans son livre. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fi hukm tasmiyati fi ibtida' al-wudu'. Il y a divergence au fait de prononcer le bismillah avant de faire les ablutions. Hal hiya wajibatun aw sunnah? Donc est-ce que c'est aussi obligatoire ou c'est une sunnah? Donc Cheikh Wajel, Allah dit. فهي عند الجميع مشروعة. كل كتاب كل سورة كتاب كل سنة. obligatoire c'est autorisé. C'est autorisé. ولا ينبغي تركها. Il ne faut pas le, faut pas délaisser. Faut pas délaisser le fait de prononcer بسم الله. وصفتها أن يقول بسم الله وإن أراد وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. الشيخ فوزان في الدرة دي. Donc ici vous commentez بسم الله simplement. Et si vous voulez rajouter الرحمن الرحيم, il n'y a pas de mal. Si vous voulez rajouter Ar-Rahman Ar-Rahim encore aux ablutions, à Bismillah, il dit sur le Zahir Fadallah, il n'y a pas de mal à cela. Ou le Hikmadou, Wallahu A'lam, Fikhtisansi Hadi al-A'da il-Arba'a bil-Wudu, li-Annaha Asra'u ma yataharraku min al-Badan, li-Tisabi d'Unou. Donc, cher Fadallah, Fadallah, il dit la sagesse, et Allah est le plus savant, sur le fait d'avoir spécifié donc ces 4 membres pendant les ablutions, c'est que ces 4 membres-là, ce sont les plus enclins à commettre rapidement les péchés. Hein? Ce sont les 4 membres qui sont les plus enclins à commettre le plus rapidement les péchés. Donc le fait de les purifier la partie apparente de ces membres-là, c'est comme un appel, c'est comme une ça nous éveille l'attention sur le fait qu'il faille aussi qu'on purifie l'intérieur de ces membres-là. Hein, il faut aussi que ces membres-là soient purifiés de l'intérieur et non pas uniquement de l'extérieur. وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَانِ كُلَّمَا غَسَلَ عُضْوًا مِنْهَا قُطِعَ عَنْهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ أَصَابَهَا بِذَلِكَ الْعُضْوُ. Et le prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nous a informé que à chaque fois qu'on nettoie nos membres pendant les ablutions, un péché, une mauvaise action est effacé. Hein? Un péché que ce membre-là aurait fait et serait effacé. Et aussi que les péchés tombent, les péchés du serviteur là tombent pendant ses ablutions, avec l'eau des ablutions, et jusqu'à la dernière goutte d'eau. Avec jusqu'à la dernière goutte d'eau, les péchés partent. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. Donc ensuite, il faut avoir terminé les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir lavé tous ces membres-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à renouveler notre foi en prononçant la double attestation de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les ablutions, nous a enjoint de renouveler notre foi. Pas en sens où on était mécréant de le faire, hein. En sens, il faut la revivifier plutôt. Revivifier notre foi en prononçant la double attestation de foi. Hein, pour justement regrouper entre les deux purifications. Les purifications qu'on a vues dans le cours précédent. Donc, abstraites et concrètes. فالحسية يكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء والمعنوية يكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. Donc la purification concrète, elle se fait donc avec l'eau, hein? Selon la façon de faire que Allah Azza wa Jal nous a prescrit dans son livre, hein, les membres qui sont concernés par les ablutions. Et la purification abstraite, le ma'nawiyya, elle se fait avec la double attestation de foi, qui nous purifie notamment du shirk, du polythéisme. D'accord ? Donc, une purification apparente avec l'eau, et une purification intérieure avec les shahadatayn, qui nous purifie du shirk, du polythéisme. وقد قال تعالى في آخر آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Et Allah il dit dans le sens du verset, à la fin du verset qui concerne les ablutions, donc Allah ne veut pas vous imposer une difficulté. Au contraire, Allah veut vous purifier et vous combler de ses bienfaits de sorte que vous soyez reconnaissant. وهكذا أيها المسلم شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم به نعمته عليك. Et c'est pour cette raison qu'Allah nous a légiféré ces ablutions, hein, pour nous purifier de nos péchés et pour nous combler de ses bienfaits. وتأمل افتتح آية الوضوء بهذا النداء الكريم يا أيها الذين آمنوا. فقد وجه سبحانه وتعالى الخطاب إلى من يتصف بالإيمان. Donc Allah, regardez, observez bien comment Allah a commencé ce verset. Il a dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Donc il s'adressait aux croyants. فَقَدْ وَجَهَ سُبْحَانَهُ الْخِطَابِ إِلَى مَنْ يَتَصِفُ بِالْإِيمَانِ. Allah donc s'est adressé aux croyants. لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْخَى لِأَوَامِرِ اللَّهِ وَيَنْتَفِعْ بِهَا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Donc pourquoi il s'est adressé aux croyants? Parce que c'est celui qui écoute, qui est attentif aux ordres d'Allah et qui sont utiles pour lui. C'est pour ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne préserve ses ablutions qu'un croyant à la fois complète, c'est entendu, hein? Ne préserve ses ablutions qu'un croyant à la fois complète. وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب. Donc là, tout ce qui est rajouté à ce qu'on vient de voir, donc tout ce qui est les conditions et les obligations, ça devient mustahab. Donc recommandé, pas obligatoire. Sunan, c'est pas obligatoire. من فعله فله زيادة أجر ومن تركه فلا حرج عليه ومن سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء أي مستحباته. Donc, celui qui l'a fait, c'est ce qu'on va énoncer maintenant, il aura une récompense supplémentaire, mais ça, celui qui les aura délaissés, ça ne veut pas dire que ses ablutions seront pas bonnes. Elles seront bonnes, mais elles seront réduites en termes de récompense. Hein, c'est pour ça que les spécialistes du fiqh, ils ont appelé ça, c'est ce qu'on va énoncer maintenant, ces actes-là. Donc, sunan al-wudu, les sunnah des ablutions, donc ces recommandations. Donc elles sont comme suit. Donc cher Fazel, après cela, commence dit أولا السواك وتقدم بيان فضيلته وكيفيته ومحله عند المضمضة ليحصل به والمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة وتهيئ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. première chose, donc, ils sont sunna, l'utilisation du siwak, comme on a vu dans le cours précédent, hein, le mérite du siwak et ainsi que comment l'utiliser. Et nous avions dit, chers cousins, que le moment d'utiliser pour les ablutions, c'est le moment de faire passer l'eau dans la bouche, hein, de gauche à droite. C'est à ce moment-là qu'on utilise le siwak, parce que c'est à ce moment-là qu'on nettoie la bouche. Car il faut que notre bouche soit purifiée, parce qu'on on va se présenter à Allah, on va adorer Allah, donc il faut se présenter de la meilleure des façons, notamment pour réciter le Coran et, entre guillemets, échanger avec lui. وثانياً غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء قبل غسل الوجه. Donc c'est aussi une sunna. On le fait sans s'en rendre compte pour beaucoup d'entre nous, alhamdulillah. Donc c'est aussi une sunna de laver les mains. Donc c'est pas obligatoire, hein? C'est sunna de laver les mains trois fois au début des ablutions. D'accord? C'est une sunna de laver les mains trois fois au début des ablutions. لورود الحديث به ولأن اليدين آلات نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما خيار لجميع الوضوء. Pourquoi c'est une sunna de faire ça en début des ablutions, donc de laver trois fois, parce qu'il y a justement des hadiths qui ont été rapportés à ce sujet, et que la main, c'est l'instrument qui nous sert à transporter l'eau d'un membre à l'autre. D'accord? Donc c'est dans le fait de les laver tout de suite, dès le début des ablutions, c'est comme une précaution pour toute l'ablution. Thalithan, البدالة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. سؤالي. البدالة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. Donc le fait de faire le mamada, de faire laver la bouche et laver le nez avant de laver le visage. Le fait de laver la bouche et le nez avant le visage. Les ورود البدالة بهما في الأحاديث. Car ceci a été rapporté, alhamdulillah, dans des hadith. ويبالغ فيها إن كان غير صائم. Donc le fait de faire ma part de l'essentiel, il faut qu'il essaye de faire, il va franchement. Hein, il va franchement, il n'hésite pas, sauf s'il est en état de jeûne. Pour éviter justement que l'eau qui rentre par la bouche, par exemple, ou pareil pour le nez. Il y a d'eau qui peut rentrer dans la gorge par le nez. Hein, donc quand vous êtes jeûneur, il ne faut pas appuyer fortement dans le fait de laver la bouche et le nez. Ou sinon, il ne faut pas hésiter. Donc il faut bien que l'eau entre bien dans la bouche, elle est partout, et pour le nez, pareil. Donc ça monte bien. Au maximum possible. ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه. Voilà, donc c'est bien ce que je viens de dire. Donc il faut bien que l'eau, ça veut dire insister fortement, il faut bien que l'eau aille partout dans la bouche. On aille partout dans la bouche, de gauche à droite, il faut bien insister et aussi donc inspirer l'eau au niveau possible, le plus haut possible du nez. Le plus haut possible, je n'ai pas trop tenté de mettre juste au bord, d'accord, le plus haut possible du nez, d'accord, sauf pour le jeûneur qui a peur que s'il fait ça, il risque soit d'avaler l'eau, soit d'avaler l'eau par la bouche, soit par le nez, et ça rompra son jeûne du coup. Rabi'an, quatrième sunna, ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها وتخليل أصابع اليدين والرجلين. Et pareillement, la quatrième sunna parmi les ablutions, le fait de faire passer ses doigts à travers sa barbe, surtout si elle est épaisse, pour faire parvenir l'eau partout. Ça, c'est une sunna. D'accord? Et pareil pour les mains et les pieds. Donc faire passer les doigts, bien faire bien laver entre les doigts et entre les orteils. Donc faire passer les doigts entre les doigts justement, et les orteils. Khamisan, al-tayammun. وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. Pareil, une sunna supplémentaire, donc le fait de commencer par la droite. Le fait de commencer du côté droit. Donc on commence par la main droite, on commence par le pied droit, et on commence par la main droite et le pied droit, avant la gauche. سادسا الزيادة على الغسل الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين. Donc le fait de laver trois fois, c'est une sunna, le fait de laver trois fois donc le visage, les mains et le fait de laver plus d'une fois jusqu'à trois, c'est ça le plus exactement. Plus d'une fois, donc deux fois c'est possible aussi, trois fois c'est possible aussi, mais pas plus. Donc plus d'une fois, le fait de laver donc le visage, les mains et les pieds. Donc c'est obligatoire, c'est au moins une fois. C'est-à-dire, si vous avez lavé ça une fois, alhamdulillah, votre eau il est valable. Par contre, il faut faire trois fois obligatoirement. Mais c'est mieux de faire trois fois. Soit plus complet, vous aurez plus de récompenses. Donc, minimum une fois, maximum trois fois. Hala, شروط الوضوء وفروضه وسننه يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء ليكون وضوءك مستكملا للصفة المشروعة لتحوز على الثواب ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. Donc voici les ablutions, donc les conditions des ablutions, ainsi que ces piliers obligations et ces sunnas. Donc il est impératif pour toi de les apprendre. Il est impératif pour toi d'y prendre attention, et de les apprendre et d'être assidu à les appliquer comme il se doit dans toutes ces ablutions. Dans toutes les fois où tu fais tes ablutions, pour que tes ablutions soient les plus complètes possibles, hein, les plus en conformité possible avec ce qui a été légiféré dans le Coran et la Sunna, pour que tu aies le maximum de récompenses. Pour que tu aies le même maximum de récompenses. Cheikh Fawzan Ahmedallah termine ce chapitre en disant, demande Allah qu'il nous donne encore plus de sciences utiles et de bonnes œuvres. Comment il y a pour Cheikh Fawzan, babun fi bayani sifati wudu. Babun fi sifati bayani wudu. Donc, Cheikh Fawzan, le nouveau chapitre, il dit comment faire ses ablutions. Ba'da'an. عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام. Donc après avoir reçu toutes ces conditions, les piliers et les sunnas des ablutions, c'est comme si on avait vu comment faire les ablutions. وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستحوذ من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها ان شاء الله فصفة الوضوء. Donc pourquoi? Donc c'est tout ce qu'on vient de voir, ce sont bien la discipline des ablutions de façon parfaite, hein, qui regroupe donc ces obligations, ces conditions, etc., et qui sont déduites des textes, hein, des textes du Coran et de la Sunna. Pourquoi on nous a appris tout ça? Pour justement les mettre en application par la permission d'Allah. Sifat al-wudu, donc la description des ablutions, hein, la plus parfaite, elle est comme suit. An yanwi al-wudu lima yushra'u lahu al-wudu min salati man yuhibbaha. La première chose, il faut avoir l'attention, ça paraît, tu rappelles, l'attention, elle est dans le cœur. Hein. Elle n'est pas, non, il ne faut pas prononcer. Anwi al-wudu, li salat al-wudu, la majeur. Je ne sais pas, par exemple, j'ai l'attention de faire l'wudu pour salat al-wudu, l'attention de faire. Non, elle est dans le cœur. De toute façon, à partir du moment où vous dirigez vers l'endroit pour faire les ablutions, c'est que vous avez l'attention de faire les ablutions. Il ne faut pas prononcer l'attention. La niya mahalluha al-qalb. Al-niyatu mahalluha al-qalb. Donc l'attention, c'est dans le cœur, c'est pas, on la prononce pas. Donc, lorsqu'on a l'intention de faire les ablutions pour un acte d'adoration qui nécessite les ablutions, donc il faut avoir cette attention-là. D'accord ? Il n'y a pas que la prière, mais c'est les ablutions, on a vu. Le tawaf aussi, par exemple. Le tawaf. Hein, on a besoin des ablutions pour le faire. Thumma yaqul bismillah. Donc une fois qu'on a l'attention, hein, on dit la première chose, on dit bismillah. Thumma yaghsilu kaffayhi thalath marrat. Donc il lave ses mains trois fois. Thumma yatamaddu thalath marrat wa yastanshiqu thalath marrat wa yunthiru al-ma' min anfihi bi yasarihi. Donc avec la poignée de main, avec la même poignée d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On lave la bouche trois fois et le nez trois fois. D'accord? On se lave la bouche trois fois et le nez trois fois et on retire l'eau du nez de la main gauche. وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاث مَرَّات وَحَدُّ الْوَجْهِ طُولًا مِنْ مَنَابِتِ الشَّعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَدِ إِلَى مَنْ حَضَرَ مِنَ الدَّحْيَيْنِ وَالدِّقْنِ. Donc, on lave donc le visage trois fois. Et la limite du visage en longueur, donc c'est du début des poils, ce qui est connu pour être le début des poils. Donc, pour ceux qui ont une calvitie ou qui sont chauves, et ce n'est pas parce qu'ils sont chauves qu'ils ont une calvitie qu'il ne faut pas qu'ils lavent, hein, à partir de là. Donc, c'est connu, donc à partir au haut du front. D'accord ? Le visage commence ici. Il ne commence pas au niveau des derniers poils qu'on a. Il commence à ce qui est connu, donc ici tout en haut, au haut du front. Voilà, et c'est délimité donc par les os de la mâchoire et le menton. Donc les os de la mâchoire et le menton, donc les os qui sont sur le côté droit, le côté gauche, et le menton. C'est là le visage donc, du menton jusqu'au haut du front. D'accord, donc ce sont ces deux os qui sont en bas du visage. Ahaduhuma min jihati al-yamin wa al-thani min jihati al-yasar. Un os qui côté droit et l'autre qui est du côté gauche. Wa adiknu majma'uhuma, voilà, ils se rejoignent au menton. Donc ce sont les deux, bien sûr, bien les deux os qui partent là, au niveau des oreilles à peu près, là côté gauche, côté droit, et qui se rejoignent au niveau du menton. Wa sha'ru al-lihya min al-wajh. Et sachez que les poils de la barbe font partie du visage. Les poils de la barbe font partie du visage. Donc il est obligatoire de la laver. Voilà où t'as là, même si elle était longue. فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها. باطنها وظاهرها. Donc si là vous avez une barbe qui est légère, qui n'est pas beaucoup, qui est pas trop poilu, c'est obligatoire de la laver à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Donc si elle est légère, c'est obligatoire de la laver à l'extérieur et à l'intérieur. وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد. Donc si elle est imposante, si elle est bien touffue, de telle sorte qu'elle cache la peau. وجب غسل ظاهرها. Donc il est obligatoire de laver au moins la face apparente de cette barbe. Il est obligatoire de laver au moins la face apparente de cette barbe. ويستحب التخلل بباطنها كما تقدم. Et les sunnas, comme on a vu dans le chapitre justement, il est sunnah de faire passer, donc pour ceux qui ont des barbes touffues, un nom barak, il est sunnah de faire passer ses doigts à travers la barbe. En plus de l'avoir lavé, Et la limite du visage en largeur, on a vu en longueur, hein, du haut du front jusqu'au bas du menton, donc, et en largeur, c'est d'une oreille à l'autre. D'une oreille à l'autre, sachant que les oreilles, comme on a vu dans les hadiths, dans le chapitre précédent, les oreilles font partie du visage. Donc, les oreilles doivent être lavées avec le visage. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il se lave les mains avec jusqu'au coude compris, bien sûr, trois fois. Et là, il nous donne la limite de la main, parce qu'on n'a pas encore dit qu'il y a des yadi. من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد. Donc, من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد. Donc, du haut des ongles, des ongles, du haut des ongles, hein, des ongles là, et vous descendez jusqu'au adud, donc là, la partie qui est juste après le coude. Donc, après avoir dépassé le coude, donc la première partie qui est juste après avoir dépassé, c'est tout ça la main. D'accord ? Jusqu'au haut des ongles. C'est pas un coude qui s'arrête au poignet. D'accord ? Ça va, après, c'est jusqu'au haut des ongles. Quand on a dit laver les mains, c'est du haut des ongles jusqu'au coude compris, jusqu'à même la partie qui dépasse un peu le coude, donc le bas de la partie supérieure du bras. من رؤوس الأصابع من الأظافر إلى أول العضد ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء. Et comme aussi pour bien cette condition-là, le fait de qu'il n'y ait rien, aucun obstacle entre l'eau et la peau, hein, qui doit être lavée par les ablutions. Il ne faut pas qu'il y ait aucun obstacle. Ça peut être de la pâte, ça peut être de la terre, ça peut être du vernis et ce genre de choses. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي في غسل يديه. Donc ensuite après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave donc toute sa tête ainsi que le visage ainsi que les oreilles une seule fois avec une eau nouvelle, pas celle qui s'est servie avec laquelle, pas l'eau avec laquelle il s'est lavé à l'yed, donc du haut des ongles au coudin. Donc il prend une nouvelle eau, hein, et avec la même eau, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave le visage et les oreilles, le visage et les oreilles avec la même eau. Il y en a qui se séparent, il y en a qui lavent le visage, après ils reprennent de l'eau et ils lavent les oreilles. Non, c'est avec la même eau, parce que c'est le visage, les oreilles et le visage c'est la même chose en fait, c'est une seule partie. Donc on prend la même eau, avec la même eau, le visage et les oreilles, pas deux eaux différentes. Et c'est une nouvelle eau. Voici fait pour masser le râsi, en yadha a yadehi mabdoulatayni bilma'i ala muqaddim râsihi. Et comment on se lave la tête aussi. Donc on prend de l'eau mouillée, des mains mouillées, on mouille ses mains et on commence du haut du front, le début, les cheveux là, au maximum. Le haut du front, d'accord. Wayumiruha ila qafa. Et il descend jusqu'au début du cou. D'accord. Faut pas descendre jusqu'au même. Il descend jusqu'au cou, dans la nuque, ils font la nuque avec. Non. Faut s'arrêter au début du cou. D'accord. On passe du haut, du bas des cheveux, du haut entre guillemets, jusqu'en bas et on revient. Ila qafa thumma yarduhuma ila al-mawdi' alladhi bada minhu. Donc une fois qu'il est descendu, il revient à l'endroit où il a commencé. Voilà, aller-retour. Comme un aller-retour. Sur les cheveux. ثم يدخل اصبعين السببتين في خرق اذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. Donc après, qu'est-ce qu'il fait? Il entre ses index, les deux index dans l'orifice de l'oreille et il essuie la partie apparente des oreilles avec son pouce. D'accord? On rentre les index dans l'oreille. Dans le trou de l'oreille, dans l'orifice de l'oreille, et on essuie la partie apparente de l'oreille avec ce qui reste de l'oreille, avec le pouce. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين والكعبان هما العظمان النائتان في أسفل الساق. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a trois fois ses pieds, chevilles comprises, et les chevilles sont quoi? Donc c'est bien l'os. C'est l'os qui se situe en bas du tibia. L'os. Il se situe en bas du tibia. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع والرجل. Et celui qu'Allah éprouvé, qui n'a plus de main, qui n'a plus de pied, comment il fait? Donc il nettoie ce qu'il a du coude, à partir de la partie, il nettoie jusqu'à la partie où s'arrête maintenant son bras, puisqu'il n'a plus de main forcément, il s'arrêtera là où son bras s'arrête comme pour son pied, il s'arrêtera là où sa jambe elle s'arrête. فإن قطع من فصل المرفق غسل رأس العضد. Et s'il est carrément, il n'a plus de bras au niveau du coude, son coude est, il n'a plus de coude, donc il nettoie le début du adud, donc cette partie-là supérieure du bras. Donc il nettoie seulement celui qui n'a plus de bras partout du coude, le coude, même le coude est disparu. Il nettoie la partie qui est juste après le coude, qui fait partie de la partie supérieure du bras. وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق. Donc ici il n'a plus de pied, dans le sens où même la cheville elle est coupée, ça s'arrête vraiment, la cheville elle est coupée. Dans ce cas-là, il s'arrête pareil, il nettoie le bas du pied, le bas du tibia terrestre. D'accord, la partie où ça sert, où son pied s'arrête. فاتقوا الله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم selon la parole d'Allah, donc craignez Allah, dans le verset, craignez Allah selon vos possibilités. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع. Donc cette personne-là, donc, elle pouvait qui manque un bras ou qui peut manquer un pied, etc. Donc elle craint Allah comme elle peut, comme elle dit dans le sens du verset, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, donc quand je vous ai ordonné une chose, faites-le selon vos possibilités. Donc si cette personne-là nettoie le reste des choses obligatoires à nettoyer, et elle fait ce qu'elle a pu faire en fonction de son handicap, alhamdoulilah, elle aura fait les ablutions selon ses possibilités, et selon ces ablutions seront valables. وبهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله الدرس القادم يوم السبت بعد العشاء قبل العشاء بخمسين وأربعين دقيقة وجزاكم الله خيرا على استماعكم دونك الحمد لله وسارت إلى أجوردي لو كور بروشان سو سوا دونك سامدي 45 مينيت أفون قبل العشاء إي أون فو رومارسي بور فوتر أتونسيون وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك